Y'a que des fils de pute qui tournent dans le secteur. Patrouille Nintendo TDM, la clique à l'inspecteur. Y'a qu'il faut dans la barre, y'a toi leur faire peur. Y'a qu'il faut dans la barre, y'a toi leur faire peur. T'es consommé à quoi ça sert? Y'a les petits du sec qui brasse ta sœur. Tu te mets dans des affaires, tu te prends pour un braqueur. Un jour tu traînes avec des voleurs, un jour tu traînes avec des casseurs. Un jour Alex te propose des sous pour t'armer sur un fighter. Y'en a qui savent se faire, y'en a qui fument du shit et d'autres de l'air. Pour toi t'as si j'accélère, pour prêter je te monte en l'air. Un gros droit pour tous tes meilleurs, un fils de ta porte il me faut de l'air. J'passe un homme dans le quartier, je file ta pute, ils me mettent l'œil. Je dis pas de danse, ouais ma fille dedans. J'ai dit qu'à deux ans, merci de pas tant de temps. Je dis pas de danse, ouais ma fille dedans. J'ai dit qu'à deux ans, merci de pas tant de temps. Va t'assurer, dedans des gains va t'assumer. Photo on t'a cramé, tu t'en mets dans le nez. Tu vois ton frérot en pâte, tu veux pas l'amener. J'fumais la patate du riz, pendant que tu grattais des tics. On m'a dit que t'as coulé, tu sympathisais avec les chemises. Routine c'est devenu banal, profite tout devant les banales. Sans chez moi j'suis en fumette, votre vagie j'presse banane. Sur ma vie sur le jarret, j'vois des femmes qui prennent des photos. Prends pas trop la confiance, j'suis gentil mais c'est pas mon poteau. J'suis rallié, elle est en fait bonne, mais à la base c'est une chamelle. Et voilà elle t'a mis dedans, maintenant elle veut son sac Chanel. J'me mets bleu sous rosé, ma tête tourne elle va exploser. Ça fait 13 ans que je rappe, j'ai encore peine de poser. Laisse au tiers filer sans pas, alors que toi tu dois d'être millionnaire. Je dis pas de danse, ouais ma fille dedans. J'ai dit qu'à deux ans, merci pas tant de temps. Je dis pas de danse, ouais ma fille dedans. J'ai dit qu'à deux ans, merci pas tant de temps. Moi je suis sur les nerfs, alors je suis le moins quand même les banales. Les gars passent à la sioux, j'ai craché le moteur du banal. J'ai pas de danse, ouais le rap j'ai de